Dans la douleur des corps torturés, dans la douleur des corps torturés, dans la douleur des mondes intérieurs, quand les hommes souffrent en silence, les mots n'ont plus les mots. Le miroir se brise dans la beauté de l'immanence, et je vois que tout s'en va, que tout fout le camp dans le regard en partance, tandis que le silence renaît des cendres de l'homme ayant déjà vécu pour une fleur qui s'épanouit dans l'ultime parfum de la rose et du jasmin. Le poème vient en marchant, assis maintenant dans la contre-allée du vent. La rose mauve est à l'eau, les bras ouverts, l'océan accueille le ciel, les galets roulent sous la plante des pieds. Les travailleurs sont en mer, les femmes à terre, à la verticale de l'horizon d'un jour de pleine lune, j'ai aperçu le rayon vert, le rayon de l'espérance de l'automne venant. Liberté de ma profonde attention, à l'ami qui lutte, à l'ami luttant pour toi, ce poème je dédie.